pied, si fatiguée. Elle est vieille comme une montagne, mais ne monte jamais de feuilles. Elle est si bien préparée à s'en aller.